37e chapitre. Comment le margrave Rüdiger fut tué. En cette matinée, les hôtes avaient bien combattu. L'époux de Götelind vint en la cour et il vit de tous côtés un terrible carnage. Il en pleura intérieurement, le très loyal Rüdiger. « Malheur à moi, s'écria le guerrier, d'avoir jamais reçu la vie et que personne ne puisse empêcher de si grands désastres. Bien volontiers j'interviendrai pour rétablir la paix, mais le roi s'y refuserait, car il voit sans cesse croître l'étendue de ses maux. » Le bon Rüdiger envoya vers Dietrich pour demander s'il ne pourrait pas calmer le courroux du grand roi. Le chef de Vérone lui fit répondre « Qui pourrait l'arrêter? Le roi Hetzel ne veut point que quelqu'un s'interpose. » Un guerrier d'entre les Jonen, voyant Rüdiger debout, les yeux remplis de larmes, combien il en avait déjà versé, dit à la reine « Voyez comme il se tient là, immobile, celui qui a le plus de puissance auprès d'Hetzel, et à qui tout est soumis, le pays et ses habitants. Comment Rüdiger a-t-il obtenu tant de bourgs qu'il a reçus de la munificence du roi? En ce combat, il n'a pas encore frappé un seul coup digne de louange. Il me semble qu'il s'inquiète peu de ce qui se passe ici depuis qu'il a obtenu tout ce qu'il désirait avoir. On prétend qu'il est plus brave que nul autre, mais dans ces moments difficiles, cela n'a guère paru. » L'homme très loyal avait l'âme affligée. Quand il entendit ce discours, il regarda le guerrier en face et pensa « Tu le paieras cher. Quoi? Tu dis que je suis lâche? Tu as prononcé cette parole trop haut dans cette cour. » Et serrant le poing, il s'élança vers le Yon et le frappa si violemment qu'à l'instant il l'étendit mort à ses pieds. La détresse du roi Hetzel en fut augmentée. « Va-t'en, lâche bavard !» s'écria Rüdiger. « J'ai assez de peine et de douleur dans le cœur. Comment oses-tu me reprocher que je ne me batte point? Certes, je devrais haïr ces étrangers, et je leur aurais fait tout le mal que j'aurais pu si je n'avais conduit ces guerriers ici. Oui, j'ai été leur guide au pays de mon maître. C'est pourquoi mon bras infortuné ne doit point les attaquer. » Hetzel, le grand roi, parla au margrave. « Comment? Est-ce ainsi que vous nous aidez, très noble Rüdiger? Nous avons déjà tant de morts en ce pays que point n'était besoin d'en augmenter le nombre. Vous avez très mal agi. » L'illustre chevalier répondit. « Il a insulté à mon courage. Il m'a reproché les honneurs et les biens que j'ai acceptés de vos mains. Aussi, il en est arrivé malheur au menteur. » Voici venir la reine qui avait vu comment la colère du héros avait frappé le Yun. Elle le plaignit lamentablement. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle dit à Rüdiger, « Comment avons-nous mérité, le roi et moi, que tu augmentes encore notre affliction? Tu nous as toujours dit, noble Rüdiger, que pour nous tu voulais tout exposer, ta vie et ton honneur. J'entends tous les guerriers te placer bien au-dessus des autres. Eh bien, je te rappelle l'hommage que ta main m'a juré quand tu me conseillas, ô chevalier d'élite, d'épouser Hetzel. Tu me promis de me servir jusqu'à la mort de l'un de nous deux. Ah, pauvre femme, jamais je ne me suis trouvée en semblable extrémité. » C'est la vérité. Je vous jurais, noble femme, que pour vous j'exposerais ma vie et mon honneur, mais je n'ai point juré de perdre mon âme, et c'est moi qui amenais à votre fête ces princes de si illustre naissance. » Elle reprit. « Souviens-toi, Rüdiger, de ta grande fidélité, de ta constance et du serment que tu fis d'être toujours prêt à venger mes outrages et mes malheurs. » Le margrave répondit. « Je vous ai rarement refusé quelque chose. » Le puissant Hetzel se mit aussi à supplier. Tous deux se jetèrent aux pieds du guerrier. On vit le noble margrave, l'âme profondément troublée. Ce très loyal héros parla lamentablement. « Malheur à moi, abandonné de Dieu d'avoir vécu jusqu'à ce jour. Il faut que je renonce à mon honneur, à ma loyauté et aux vertus que Dieu m'a commandées. Hélas, Dieu du ciel, pourquoi la mort ne peut-elle m'enlever? Quel que soit le parti que je repousse ou que j'embrasse, j'aurais mal et très méchamment agi. Et si j'abandonne à la fois la reine et ses frères, tout le monde me le reprochera. Oh, que celui qui m'a donné la vie m'éclaire en ce moment !» Le roi et la reine aussi le supplièrent avec instance. Il s'ensuivit que main guerrier perdirent la vie de la main de Rüdiger, que lui-même succomba. Vous pouvez entendre maintenant comment il périt lamentablement. Il savait qu'il ne pouvait lui en revenir que d'hommage et profonde affliction. Ah, qu'il eût volontiers refusé à la reine et au roi, Il craignait beaucoup, s'il tuait un de ses hôtes, de devenir odieux à tout le monde. Il dit au roi, cet homme très hardi, « Seigneur roi, reprenez tout ce que j'ai eu de vous, terres et bourgs, je n'en veux rien garder, je préfère aller pieds nus en pays étranger. Dépouillé de tout bien, je quitterai vos terres, prenant par la main ma femme et ma fille, plutôt perdre la vie que de renoncer à ma loyauté. Oui, j'ai mal fait de prendre votre or rouge. » Le roi Hetzel parla. « Qui donc viendra à mon secours ? Eh bien, Rudiger, venge-moi de mes ennemis, et je te donnerai un royaume avec ceux qui l'habitent. Roi puissant, tu marcheras à côté d'Hetzel. » Mais Rudiger répondit. « Comment m'engager dans ce combat ? Je les ai invités à entrer sous mon toit. Je leur ai offert amicalement le boire et le manger, et je leur ai donné mes présents. Puis-je contribuer à leur mort ? On croira peut-être que je manque de courage. » Mais jamais je n'ai refusé aucun service à ces très nobles princes ou à leurs hommes. Aussi je me repens de l'alliance que j'ai conclue avec eux. J'ai donné ma fille à Giselher, le bon chevalier. Elle ne pouvait en ce monde être mieux mariée sous le rapport des vertus et de l'honneur, de la loyauté et de la richesse. Jamais je ne vis roi animé de si beaux sentiments. » Alors Kriemhild prit la parole. « Très noble, Rudiger. Ayez pitié de nos afflictions à tous deux, au roi et à moi. Pensez bien à ceci, que jamais souverain ne reçut des hôtes qui leur firent autant de mal. » Le margrave répondit à la noble femme. « Aujourd'hui, Rudiger doit payer de sa vie le bien que vous et son seigneur lui avez fait. C'est pourquoi il me faut mourir. Cela ne peut durer davantage. Je sais qu'en ce jour mes bourgs et mes domaines perdront leur maître par la main de ces étrangers. » Je recommande à votre bonté ma femme et mon enfant, et les nombreux exilés qui sont à Berlarn. Maintenant que Dieu te récompense, Rudiger, dit le roi, lui et la reine étaient joyeux tous deux. Nous aurons toujours soin de tous tes gens, mais j'ai foi en mon bonheur, toi-même tu en réchapperas. Rudiger allait hasarder son âme et son corps. La femme d'Hetzel se prit à pleurer. Il dit, « Je dois accomplir ce que je vous ai promis. Hélas, ô mes amis, je vais vous combattre malgré moi. » On le vit quitter le roi, l'âme affligée. Il alla non loin de là trouver ses guerriers et leur dit, « Vous allez vous armer, ô mes fidèles. Malgré moi, il me faut combattre les vaillants Burgondes. » Ils ordonnèrent aussitôt qu'on alla chercher leurs armes. Haumes et boucliers furent apportés par leurs gens de suite. Bientôt les fiers étrangers connurent la funeste nouvelle. Rudiger et 500 de ses hommes s'étaient armés. En outre, marchaient avec lui 12 chefs qui voulaient obtenir le prix du courage au plus fort de la mêlée. Ils ne savaient pas que la mort fût si près d'eux. On vit s'avancer Rudiger, le homme en tête. Les hommes du margrave portaient des épées bien acérées et aux bras leurs boucliers larges et brillants. Le joueur de viol les aperçut. Ce fut pour lui une peine amère. Le jeune Giselher vit venir son beau-père, le casque attaché. Comment pouvait-il supposer qu'il ne vint pas avec des intentions bienveillantes ? Le noble prince en eut l'âme joyeuse. « Quel bonheur ! S'écria Giselher, la bonne épée, que nous nous soyons faits en chemin de tels amis. Par ma femme, nous avons acquis de grands avantages. Sur ma foi, je suis heureux que ce mariage se soit fait. » « J'ignore ce qui peut ainsi vous réjouir, » dit le ménestrel. « Où avez-vous jamais vu s'avancer tant de guerriers, le homme en tête, l'épée à la main, dans une intention de paix et d'accommodement ? Rudiger veut mériter à nos dépens ses bourgs et ses terres. » Avant que le joueur de viol eût achevé ce discours, le noble Rudiger était devant le palais. Il déposa à ses pieds son bon bouclier. Il ne pouvait plus offrir à ses amis ni ses services, ni ses salutations. Le noble margrave jeta ces mots dans la salle. « Maintenant, vaillant Nibelungen, il faut songer à vous défendre. Vous deviez jouir de mon amitié, et à présent vous devez repousser mes attaques. Naguère, nous étions amis, et en ce moment je dois renoncer à cette alliance. » Cette nouvelle terrifia ces hommes affligés, car nul d'entre eux ne fut satisfait de devoir combattre celui auquel ils étaient dévoués. Ils avaient déjà reçu tant de rudes assauts de leurs ennemis. « Veuille le Dieu du ciel, dit Gunther, la vaillante épée, que vous puissiez encore faire miséricorde et nous montrer cette amitié sur laquelle nous comptions. Je me confie en vous, non, vous ne ferez point ce que vous avez dit. » « Je ne puis agir autrement, dit l'homme intrépide. Je dois vous combattre, car je l'ai promis. Défendez-vous donc, héros valeureux, si votre vie vous est chère. La femme du roi Hetzel ne veut point m'en dispenser. Vous nous provoquez trop tard, dit le roi illustre. Dieu vous récompensera, très noble Rudiger, du dévouement et de l'affection que vous nous avez montré, si vous voulez persévérer dans vos sentiments affectueux à notre égard. Si vous nous laissez la vie, nous vous servirons toujours pour la bienveillance que vous nous aurez montrée. Pensez au superbe présent que vous nous fîtes, très noble Rudiger, quand vous nous conduisîtes au pays d'Hetzel chez les Younen. Rudiger, le bon chevalier, dit « Ah, que je voudrais encore pouvoir vous donner pleine mesure de mes dons, ainsi que j'en avais l'espérance. Alors je ne serais exposé à aucun reproche. » « Arrêtez, noble Rudiger, dit Gernot, car jamais seigneur n'accueillit ses hôtes aussi amicalement que vous nous avez reçus. Vous en recevrez la récompense si nous conservons la vie. » « Plût à Dieu, très noble Gernot, dit Rudiger, que vous fussiez au bord du Rhin et moi mort, conservant mon honneur, puisque je suis obligé de vous combattre. Jamais guerriers étrangers n'ont été si maltraités par leurs amis. « Seigneur Rudiger, dit Gernot, que Dieu vous récompense de vos riches présents. Oh, votre mort m'affligerait, car avec vous périrait tant de vertu et de courage. Je porte ici l'arme que vous m'avez donnée, bon chevalier. Dans cette cruelle extrémité, elle ne m'a jamais fait défaut, et sous son tranchant, main guerrier a perdu la vie. Elle est brillante et fidèle, magnifique et bonne. Je pense que plus jamais chef n'offrira un don si riche. Si vous ne voulez renoncer à votre dessein, si vous nous attaquez et qu'un des amis que j'ai ici tombe sous vos coups, avec votre épée je vous enlèverai la vie. Alors, Rudiger, j'en serai au désespoir, ainsi que votre illustre femme. Dieu veuille, seigneur Gernot, qu'il en soit ainsi, que votre volonté s'accomplisse de tout point et que la vie de vos amis soit sauve. Je vous confierai ma femme et ma fille. » L'enfant de la belle Watt, le prince Burgonde, parla. « Pourquoi agir ainsi, Rudiger? Tous ceux qui m'ont accompagné vous sont dévoués. Vous avez tort de nous attaquer. Vous allez avant l'heure rendre veuve votre charmante fille. Si vous et vos guerriers vous m'attaquez maintenant, vous me récompenserez mal de la confiance que j'ai eue en vous, plutôt qu'en tout autre, quand je vous ai demandé votre fille en mariage. Souvenez-vous de la foi jurée, noble et illustre roi, si Dieu vous sauve d'ici. » Ainsi parla Rudiger. « Que la jeune femme ne pâtisse pas à cause de moi. Au nom de vos propres vertus, conservez-lui votre affection. »« Je le ferai volontiers, » répondit Giselher le jeune. « Mais si mes illustres parents qui sont ici doivent mourir de votre main, alors il faudra rompre l'alliance fidèle qui m'unit à vous et à votre fille. »« En ce cas, que Dieu ait pitié de nous, » dit l'homme vaillant. Et tous levèrent leurs boucliers comme pour attaquer les étrangers dans la salle de Kriemhild. Alors, du haut des degrés, Hagen s'écria à haute voix. « Arrêtez un instant, très noble Rudiger !» Ainsi, dit Hagen, « mes seigneurs et moi, nous ne vous avons pas encore suffisamment expliqué en quelle extrémité nous sommes, de quel avantage notre mort à nous étrangers peut-elle être pour Hetzel. Je suis en grand souci, » ajouta Hagen. Les Younen ont arraché à mon bras le bouclier que Dame Götterlind m'a donné. Je l'avais porté amicalement dans le pays d'Hetzel. Que le Dieu du ciel m'accorde de pouvoir posséder encore un aussi bon bouclier que celui que vous avez à votre bras, ô très noble Rudiger, et alors je n'aurai plus besoin de haubert dans le combat. Bien volontiers vous ferai-je don de mon bouclier si j'osais vous le présenter en présence de Kriemhild. Mais n'importe, prenez-le, Hagen, et portez-le à votre bras. Puissiez-vous l'emporter au pays des Burgondes. » Quand il offrit si généreusement de lui donner son bouclier, bien des yeux pleurèrent à chaudes larmes. Ce fut le dernier présent que Rudiger de Berlarn fit à un guerrier. Depuis ce moment, il n'en fit jamais plus. Quelque farouche et quelque animé de fureur que fût Hagen, il fut ému de ce don que ce bon héros lui faisait si près de ses derniers moments. Mains nobles chevaliers se prirent à pleurer avec lui. « Que le Dieu du ciel vous rémunère, très noble Rudiger, jamais votre pareil n'existera plus, faisant des dons si magnifiques à des guerriers étrangers. Dieu permettra que votre vertu vive à toujours. Malheur à moi à cause de cette nouvelle, » ajouta Hagen. « Nous avions déjà tant de maux à souffrir. Qu'il nous faille encore combattre contre des amis, voilà ce dont je me plains à Dieu. » Le margrave répondit. C'est aussi pour moi une profonde douleur. Je vous tiendrai compte de votre don très noble, Rudiger. Quoi que puissent faire à votre égard ces illustres chefs, jamais ma main ne vous touchera dans le combat, quand même vous tueriez tous ceux du pays Burgonde. » À ces mots, le bon Rudiger s'inclina courtoisement. On pleurait de toutes parts. C'était pour tous une peine extrême que nul ne pouvait détourner cette pénible lutte avec Rudiger. Le père de toute vertu allait mourir. Du haut du palais, Volker le ménestrel parla. « Puisque mon compagnon Hagner a fait trêve avec vous, mon bras aussi vous respectera fidèlement. Ah, vous l'avez bien mérité quand nous sommes arrivés en votre pays. Très noble margrave, vous porterez pour moi ce message. La margrave m'a donné ses bracelets d'or rouge pour m'en parer à sa fête. Vous les pouvez voir vous-même à mon bras et en témoigner. » « Plût à Dieu tout-puissant, dit alors Rudiger, que la margrave vous eût encore donné davantage. Soyez certain que je remplirai votre message auprès de ma femme bien-aimée, si jamais je la revois. » Quand il lui eut fait cette promesse, Rudiger leva son bouclier. Son âme s'enflamma, et sans tarder plus longtemps, il se jeta sur les étrangers en vaillant guerrier. Le puissant margrave porta main coup rapide. Tous deux, Volker et Hagner, se tinrent sur les plus hauts degrés, ainsi que l'avaient promis ses deux bonnes épées. Mais Rudiger trouva devant la porte tant de vaillants combattants qu'il commença la lutte avec grand souci. Gunther et Gernot, dans un dessein meurtrier, le laissèrent pénétrer dans la salle. Ils avaient des sentiments de héros. Giselher se tint à l'écart, mais non sans regret. Il espérait encore en la vie, c'est pourquoi il évitait Rudiger. Les hommes du margrave s'élancèrent sur les ennemis, et on les voyait suivre leur maître avec le plus grand courage. Ils portaient à la main leurs épées tranchantes, qui hachèrent main haume et main superbe bouclier. Les guerriers fatigués portèrent cependant à ceux de Berlarn des coups rapides et terribles, qui les atteignirent jusqu'aux os à travers les côtes de mailles. Ils accomplirent de prodigieux exploits dans la mêlée. La vaillante troupe avait pénétré dans la salle. Volker et Hagen bondirent à sa rencontre, sauf au seul chef, ils ne donnaient trêve à personne. Sous les atteintes de leurs bras terribles, le sang découlait à travers les casques. On entendait dans la salle retentir d'une façon effrayante le choc des épées. Sous les coups, les garnitures des boucliers tombaient brisées et les riches pierreries s'éparpillaient dans le sang. La bataille était si acharnée que jamais il n'y en aura plus de pareille. Le prince de Berlarn marchait de ci et de là comme un guerrier qui sait faire valoir sa force dans la mêlée. Ce jour-là, Rudiger prouva bien qu'il était un héros vaillant et digne de louange. Les deux chefs, Gernot et Gunther, se tenaient fermes et dans le combat, ils donnèrent la mort à plus d'un combattant. Giselher et Dankwart ne se ménageaient guère et par eux plus d'un vit arriver sa dernière heure. Rudiger montrait qu'il était très fort, brave et parfaitement armé. Ah, que de héros il a bâti! Ce que voyant, un Burgonde sentit la colère s'emparer de lui. La mort du noble Rudiger en fut hâtée. Le vaillant Gernot interpella le héros. Il dit au margrave : « Vous ne voulez pas laisser échapper un seul de mes hommes, très noble Rudiger. Cela me contriste démesurément. Je ne le puis supporter plus longtemps. Puisque vous m'avez enlevé un si grand nombre de mes amis, votre présent pourra vous causer du dommage. Tournez-vous de mon côté, homme très noble et très brave. Je veux, du mieux que je pourrai, mériter le don que vous m'avez fait. » Avant que le margrave parvînt jusqu'à lui, plus d'une cote de maille fut teinte de sang. Ils s'élancèrent l'un vers l'autre, ces deux hommes avides de gloire. Chacun d'eux parait les coups terribles qui lui étaient destinés, mais leurs épées étaient si tranchantes que rien ne pouvait les arrêter. Rudiger, le bon chevalier, atteignit Gernot à travers son casque dur comme un roc, et le sang coula à flots. Mais cet excellent et valeureux guerrier le lui rendit avec usure. Il brandit haut en ses mains l'épée qu'il avait reçue de Rudiger, et quoique blessé à mort, il en porta un coup si terrible que, traversant l'épais bouclier, elle tomba sur la visière du casque. L'époux de Götterlind devait en mourir. Non, jamais don plus magnifique ne reçut pire récompense. Tous deux frappés réciproquement par la main l'un de l'autre, Gernot et Rudiger tombèrent dans la mêlée. Quand il vit cette terrible catastrophe, la colère s'empara de Hagen. Le héros de Trondheim parla. « Un affreux malheur nous est arrivé. Nous avons fait en ces hommes une si grande perte que jamais nous ne la réparerons, et leurs gens et leur pays non plus, maintenant que les guerriers de Rudiger en portent la peine. » De part et d'autre, il n'y eut plus de merci. Beaucoup tombés sans blessure auraient pu facilement échapper, mais telle était la presse en cette mêlée que sans être atteint, il se noyait dans le sang. « Hélas, mon frère est tué en ce jour. Ah, le malheur nous frappe de tous côtés. Je regretterai toujours le noble Rudiger. La perte est pour les deux parties et notre affliction est immense. » Quand le jeune Giselher vit son frère mort, il réduisit ceux qui étaient entrés dans la salle à une suprême détresse. La mort recueillait en hâte ceux qui lui étaient dévoués. Pas un de ceux de Berlaren n'en réchappa. Gunther et Giseler, ainsi que Hagen, Dankwart et Volker, ses bonnes épées, vinrent là où les deux hommes étaient étendus, et ses héros se prirent à pleurer. « La mort nous frappe cruellement, » dit Giselher le jeune. « Maintenant cessons de pleurer et exposons-nous au vent, afin que, fatigués du combat, nous puissions rafraîchir nos côtes de mailles. Je crains que Dieu ne nous laisse plus longtemps la vie. » Les guerriers étaient épuisés. Les uns s'assirent, les autres s'appuyèrent sur leurs boucliers. Les héros de Rudiger gisaient à terre, morts. Le bruit du combat était apaisé. Le silence dura si longtemps qu'Hetzel s'en irrita. « Malheur ! » s'écria la femme du roi. « Rudiger ne nous a pas servi assez fidèlement pour faire retomber nos ennemis sous ses coups. Il leur permettra de rentrer au pays des Burgondes. À quoi nous sert, roi Hetzel, que nous ayons donné au héros tout ce qu'il a désiré ? Maintenant, il a mal agi. Celui qui devait nous venger veut faire la paix. » Volker répondit à ces paroles, le très beau guerrier. « Hélas, noble femme du roi, il n'en est pas comme tu le prétends. Si j'osais dire qu'une aussi grande dame en a menti, je dirais que vous avez prononcé sur le compte de Rudiger des mensonges diaboliques. Lui et ses guerriers ont été tristement déçus touchant la paix. Il a exécuté si vaillamment les ordres du roi que lui et sa suite sont tombés morts ici. Maintenant, Kriemhild, regarde autour de toi. À qui vas-tu donner tes ordres ? Rudiger, le héros, vous a servi jusqu'à sa dernière heure. Si vous ne voulez pas me croire, on vous le fera voir. » Alors, afin de lui briser le cœur, on apporta le héros, la tête fendue, là où le roi pouvait l'apercevoir. Jamais les fidèles d'Hetzel n'éprouvèrent plus grande affliction. Quand ils virent apporter le corps du margrave, nul écrivain ne pourrait ni décrire ni raconter les effroyables gémissements que les hommes et les femmes poussèrent en ce moment, l'âme en proie au désespoir. Le désespoir d'Hetzel n'était pas moindre. Le puissant roi poussait des cris de douleur semblables au rugissement du lion. Ainsi faisait aussi sa femme. Ils se lamentèrent effroyablement sur la mort du bon Rudiger.